La maison d'édition près le Parti du Travail de Corée a publié les affiches illustrées, tous à la campagne de 200 jours, et que tous sortent vainqueurs honorables de la campagne de 200 jours, qui appelle dynamiquement les militaires et civils coréens à appliquer la résolution du 7e congrès du parti.